Arc-en-ciel. C'est le week-end sur Arc-en-ciel. Bienvenue, bienvenue. Les souvenirs ont bloqué ma pente, mais de ma peine il faut que je sente. Pour oublier cette fille qui m'a meurtri, je dois reprendre enfin goût à la vie. Mais les rues sont pleines de gens qui s'agitent, et devant les vitrines, les bars, les affiches, je crois apercevoir partout son visage. Tout me la rappelle, rien ne la remplace. Aussi ne me parlez jamais d'une autre, non aucune autre. Elle, je ne veux qu'elle, et son amour fragile, tendre et sauvage. Elle, je ne veux qu'elle, pour l'emporter, l'aimer et vivre ensemble. Elle, je ne veux qu'elle, je me battrai et je dois la retrouver. J'ai cherché l'oubli, une autre allant entra dans ma vie, intelligente aussi, peut-être plus jolie. J'ai cru l'aimer, être enfin guéri, mais la plus belle n'est pas toujours la meilleure, et mon nouvel espoir n'était qu'une erreur, car à travers ses gestes, à travers son corps, je cherchais toujours celle que j'aime encore. Aussi ne me parlez jamais d'une autre, dans aucune autre. Elle, je ne veux qu'elle, et son amour fragile, tendre et sauvage. Elle, je ne veux qu'elle, pour l'emporter, l'aimer et vivre ensemble. Elle, je ne veux différent. Est-ce une fille ou un

Arc-en-ciel. C'est le week-end sur Bonjour Arc-en-ciel. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-ciel 96.2 FM. Voici donc, eh bien, nous sommes le dimanche et voici donc le retour avec l'accordéon. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé une très bonne matinée et j'espère aussi que tout se passe bien, tout simplement, et puis que vous allez bien. Tout simplement, écoutez des chansons et plutôt aussi les musiques de l'accordéon avec la valse, le tango, le country et puis d'autres musettes différentes. Et puis aussi, au cours de l'émission, quelques nouveautés en accordéon, tout simplement. Eh bien, vous allez les écouter tout à l'heure. Voilà donc. Eh bien, je vous laisse avec, on va débuter avec la valse et puis juste après, la polka. Nicolas sur Arc-en-Ciel. Tu mets ta robe la plus belle. Ce soir, je t'emmène danser. Il y a un bal à Chomel. Toutes les étoiles vont briller. L'accordéon bien surnommé. Si jolie limousine, les musiciens ne joueront que des nouvelles chansons. C'est le bal des étoiles, viens dans mes bras pour passer. Nous ouvrirons le bal sous des regards enchantés. Si nous sommes fatigués à force d'avoir dansé. Dans les genêts et les lumières, ça nous ramène au bal des étoiles.

qui se font compter fleurettes en dansant joue contre joue. Le tango du bal musette dans l'ambiance des guinguettes. Un dimanche au bord de l'eau, dans les bras d'un hidalgo, c'est le plus beau des tangos. Le tango du bal musette, dans l'ambiance des guinguettes. Un dimanche au bord de l'eau, dans les bois d'un hidalgo, c'est le plus beau des tangos. Tu te prends pour un gaucho qui jongle avec son lasso. On se grise, on crie bravo, c'est le plus beau des tangos. Voici donc maintenant du côté de la marche et puis juste après le passe-double. Thank you. aimait une fille très belle. Quand à Paris, elle est partie, son pauvre cœur chantait pour elle. Reviens, reviens, mamie, reviens près de ta mère. Reviens vite au pays, à la ferme. Les blés et les genêts te verront si jolie. Toi qui les as aimés, reviens, reviens au pays. En écoutant cette chanson, la pauvre fille au cœur volage quitte à Paris et sans façon va se marier dans son village. Reviens, reviens, mamie, reviens près de ta mère. Reviens vite au pays, à la ferme. Les blés et les genêts te verront si jolie. Toi qui nous as aimés, reviens, reviens au pays.

jolie fille m'a dit, je t'aimerai toute ma vie. Arc-en-ciel. Au cours de l'émission, eh bien, je vous ai dit qu'il y aura quelques nouveautés comme morceaux d'accordéon. Eh bien, je vous en ai laissé déjà deux morceaux avec un petit bonjour déjà avec Adeline Bondix. Voilà. Donc, ben, je vous laisse avec ces deux nouveaux titres. Voilà. Donc, eh ben, on les écoute. Voilà.

Voici donc du côté de la Bretagne et puis juste après la fiesta. Danser contre un, deux. Arc-en-ciel. Voici donc du rétro, et puis juste après le polka. Ne pense plus à rien. Oh là là, et si l'on danse, une oublie, mais ça fait rien. Oh là là, c'est formidable. Quand tu danses auprès de moi. Oh là là, j'ai de la chance. Quand l'orchestre joue pour moi. La nuit c'est le rétro, rétro disco. Sono des cibettes, tu te fais la vie belle. La danse c'est ta vie et tant pis. Tant pis si tu m'oublies. Le rétro c'est la vie. Céline, y a la joie, la bonne humeur. Au rétro, Baraqueville, le sourire et le rigueur. La vie c'est le rétro, rétro disco. Solo décibel, tu te fais la rivelle. La danse c'est ta vie et tant pis si tu m'oublies. Le rétro c'est la vie. Ça fait rien. Oh là là, c'est formidable. Quand tu danses auprès de moi. Oh là là, j'ai de la chance. Quand l'orchestre joue pour moi. La vie c'est le rétro, rétro disco. Solo décibel, tu te fais la rivelle. La danse c'est ta vie et tant pis. Tant pis si tu. C'est la vie. La la. Voici donc eh bien le cha-cha et puis juste après le country. L'envie de m'évader, partir sur la croisette, dormir sous les palmiers. Dans le cœur, je te jure, le temps des vacances. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Et puis, juste après le country, je vais faire un petit tour avec le Madison. C'est le country de Sylvie. Elle a composé cet air-là pour nous. Merci d'être à son rendez-vous. Cet air populaire a su nous plaire. Il sera demain légendaire. Sur un rythme de polka, marquez le pas 1, 2, 3. Ne soyez pas tête en l'air si vous trouvez une charmante cavalière. Attention à ne pas lui monter sans le vouloir dessus les pieds. Mieux vaut plutôt lui faire les yeux doux pour obtenir un rendez-vous. Thank you. Oh Sylvie, oh Sylvie, on voudrait tous être ton mari. Oh Sylvie, oh Sylvie, toi la nouvelle reine du country. Oh Sylvie, oh Sylvie, on voudrait tous être ton mari. Oh Sylvie, oh Sylvie, toi la nouvelle reine du country. Thank you. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Voici donc le boléro, et puis juste après la musette. À l'hôtel, ce soir-là, on a fêté je ne sais quoi. C'était Rome, à gogo. J'ai dû boire un petit peu trop, juste assez pour gommer ma trop grande timidité. Je t'ai donc invité, en dansant nous avons flirté. C'est dans l'île douce, sous les cocotiers. C'est dans l'île douce que l'on s'est rencontré. C'est dans l'île douce que l'on s'est aimé. C'est dans l'île douce que nos vies ont changé. Qu'elle est douce, qu'elle est belle, ses yeux reflétaient le soleil. Le parfum de sa peau m'enivrait sous son paréo. Comment faire et te dire avant que la lune soupire pour gagner un baiser et conjuguer le verbe aimer. C'est dans l'île douce, sous les cocotiers. C'est dans l'île douce que l'on s'est rencontré. C'est dans l'île douce que l'on s'est aimé. C'est dans l'île douce que nos vies ont changé. Tout dessous le ciel étoilé, j'étais très amoureux. Tout près de toi, j'étais heureux. À l'aube, on est rentré. Trop difficile de se quitter. Et déjà, je savais que nous deux, ça devait durer. C'est dans l'île douce, sous les cocotiers. C'est dans l'île douce que l'on s'est rencontré. C'est dans l'île douce que l'on s'est aimé. C'est dans l'île douce que nos vies ont changé. la plus belle des fleurs. Dans un pays où partout règne la joie de vivre sous un ciel plein de douceur. Un beau jour dans sa veste blanche, celui que j'aime m'a offert son cœur. Et dans ses bras, le dimanche, comme l'oiseau a chantonné notre bonheur. Sa douce empreinte a tout jamais resté gravée. Tra-la-la-la-la-la, sous le ciel est verrien. Tra-la-la-la-la-la, ce soir tu fais à moi. Tra-la-la-la-la-la, sous le ciel est verrien. Tra-la-la-la-la-la, ce soir tu fais à moi. Depuis ce jour, ma douce belle, ton heureux captif de foi. Et plein de toi, de tes merveilles, je me sens l'âme d'un véritable bougnat. Clermont-Ferrand, sa cathédrale, chaque aiguillon et les bois de ses rats. Ton vieux royal, ses eaux thermales sont des trésors que jamais mon cœur n'oubliera. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur. Tout le temps. Et puis on va rester avec l'Auvergne, et puis juste après le compris, avec bien sûr les deux titres de Nathalie Bernard. C'est fête et on est là tous entre amis. J'ai le cœur country, j'ai le cœur country. Ça fait du bien de s'amuser à la folie et de bien profiter de la vie. Donc j'imagine la petite maison dans la prairie. J'ai le cœur country, j'ai le cœur country. J'ai mon chapeau, mon foulard et mes bottes vernies. Pour le grand rodéo, c'est parti. L'ambiance, il n'y a pas mieux, je crois. Tous en ligne, comme de joyeux cowboys. En cadence, on tape dans les mains. Notre danse fait peur aux Indiens. Et on est là tous entre amis. J'ai le cœur country, j'ai le cœur country. Sans voyager, on est tous aux États-Unis, dans un joli ranch du Tennessee. C'est moi Johnny et je t'appelle la belle Suzy. J'ai le cœur country, j'ai le cœur country. Emmène-moi sur le chemin du paradis. Dans le Grand Canyon, moi je te suis. On fera un très grand feu de bois. On verra si le coyote n'y est pas. Si tu danses le country avec moi, je te ferai voir mon harmonica. J'ai le cœur country, j'ai le cœur country. Et on est là tous entre amis. J'ai le cœur country, j'ai le cœur country. Ça fait du bien de s'amuser à la folie et de bien profiter de la vie. Ce soir c'est fête et on est là tous entre amis. J'ai le cœur country, j'ai le cœur country. Sans voyager, on est tous aux États-Unis, dans un joli ranch du Tennessee. Perdu dans la Gaspésie, petite vallée à 200 âmes, l'océan fréquente le Saint-Laurent. Tiens, le vent est leur confident. Ici, il reste les amoureux qui chantent plus fort que la mer. Ils portent l'histoire des pêcheurs, chacun en ayant au fond de son cœur. C'est ça qui me fait vibrer, si fort à petite vallée. Des bouts de moi se sont mêlés à leur histoire. Beaucoup viennent de loin donner de la voix à petite vallée. Des milliers de mélodies ont laissé leur trace ici. Et quand la mer, dans une colère sans nom, emportera le village en chanson, on sait qu'il va naviguer et faire chanter dans le monde entier, et faire chanter dans le monde entier. C'est ça qui me fait vibrer, si fort à petite vallée. Des bouts de moi se sont mêlés à leur regard. Ou marinier, un jour l'ai-je été, les rochers vont témoigner de notre histoire. Ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici donc De Bourré. Et puis retour avec de Madison. Rendez-vous Madison. Thank you. les opérus travaillent sa vie. Un soldat está apertado. Eu agosto tarde em chegar. Deu o dia marcado no tempo para regressar. Adeus, Suíça, adeus. Da França ao Canadá. Do lugar mais longe que o próprio mundo, é lá de chegar cá. Adeus, Suíça, adeus. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Tão quente. la aldeia, acompanhada a guitarra singular. Era um silêncio bem atento e a plateia nem se lembrava dos minutos a passar. Oh, Dornelas, vem à janela. Oh, Dornelas, vem à janela. Que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Oh, Dornelas, vem à janela. Oh, Dornelas, vem à janela. Que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Oh, Dornelas, voilà donc avant d'écouter la valse et puis la tarentelle, voici donc eh bien le Madison.

fête Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici donc du côté basque et puis juste côté après ce sera la musette. Thank you.

je suis Valentino, beauté dansante. On danse, le temps ne compte plus vraiment. On a tous les jours 20 ans, beauté dansante. On danse, beauté dansante. On danse, beauté dansante. On danse, accent. Io sto con giù di ti. Por mais que tento não lembrar, não consigo resistir. Às vezes digo sem pensar, tanta coisa para te magoar. De seguida peço-te perdão, pois sabes que não foi minha intenção. Eu conto os dias, conto as horas para te ver. Sempre que estou longe de ti, eu não sei o que fazer. Eu conto os dias, conto as horas para te ver. Sempre que estou longe de ti, eu não sei o que fazer. Eu quero, quero ficar contigo. Quero que seja para sempre. Eu nunca vou te perder. Eu quero, quero ficar contigo. Quero que seja para sempre. Eu nunca vou te perder. De seguida peço-te perdão, pois sabes que não foi minha intenção. Eu conto os dias, conto as horas para te ver. Sempre que estou longe de ti, eu não sei o que fazer. Eu conto os dias, conto as horas para te ver. Sempre que estou longe de ti, eu não sei o que fazer. Quero que seja para sempre. Eu nunca vou te perder. Eu quero, quero ficar contigo. Quero que seja para sempre. Eu nunca vou te perder. Eu quero, quero ficar contigo. Quero que seja para sempre. Eu nunca vou te perder. Eu conto os dias com sempre que estou longe de ti, eu não sei o que fazer. Eu conto os dias, conto as horas para te ver. Sempre que estou longe de ti, eu não sei o que fazer. Eu quero, quero ficar contigo. Quero que seja para sempre. Eu nunca vou te perder. Muito boa tarde, são 3 horas, 2 nos Açores. Morreu mais um bebê na faixa de Gaza por causa do frio. É a quinta criança que não resiste às baixas temperaturas que se fazem sentir naquele território palestiniano nas últimas semanas, onde não há praticamente nada. O futebolista Ruben Semedo foi detido por suspeitas de violência doméstica contra a mulher. Temperaturas a esta hora, 13 graus no Porto, Lisboa e Coimbra com 14, Faro está com 16, nas Ilhas, Ponta Delgada 17 graus, Funchal com 16. Jornal das 3, a edição é de Isabel Cunha. Já estão identificadas 65 vítimas do acidente aéreo na Coreia do Sul. O balanço final dá conta de 179 mortos. Uma das caixas negras do avião já foi encontrada, Sandy Gageiro. A informação foi avançada pelos bombeiros sul-coreanos, que continuam a retirar amostras de AVN. Os sobreviventes do acidente são 2 membros da tripulação, resgatados pelas equipas de socorro do avião. A agência de notícias Yonhap ouviu um médico, revelou que o comissário de bordo, de 33 anos, que sobreviveu, disse que quando acordou já tinha sido resgatado. O médico adiantou que se encontra capaz de comunicar e ainda não há indícios de perda de memória. Encontram-se neste momento tratamento no Hospital Universitário Ewha Womans de Seul. As duas caixas negras do avião, o gravador de voz de cabine e o gravador de dados de voo já foram recuperados, anunciou o vice-ministro dos transportes sul-coreano numa conferência de imprensa. O governo sul-coreano declarou 7 dias de luto nacional pela queda do avião. Ouvido o Plantinon, o piloto e especialista em segurança aeronáutica Miguel Silveira aponta que há por explicar muitas questões neste trágico acidente. Reparação da pista e alerta das autoridades, em especial os bombeiros. Não identifiquei e isso faz-me alguma confusão. Depois, o avião, quando contacta com a superfície da pista, a uma velocidade elevadíssima e até embater na parede de betão, não me parece que haja qualquer desaceleração na aeronave, o que também é estranho. O procedimento neste tipo de aterragem é, antes do avião fazer contacto com o solo, um dos pilotos corta os motores dos aviões, desliga mesmo. Aqui parece que os motores estão em funcionamento. Muitas interrogações ainda no que diz respeito às causas deste trágico acidente com um avião na Coreia do Sul que fez 179 mortos. Na página oficial da Presidência, na internet, Marcelo Rebelo de Sousa já transmitiu sentidas condolências e solidariedade aos familiares de todos aqueles que perderam a vida e a rápida recuperação dos feridos. O Papa Francisco rezou pelas vítimas e referiu que tem os pensamentos em todas as famílias que vinham no avião